matin au réveil. Merde, les mêmes pensées m'assaillent. N et Ben, immenses sont proportionnels à ma taille. Pourquoi cette faille dans mon esprit, cette faiblesse dans mon être si fort? Moi aimé par tous, efficace dans mon SB. Je me sers tant pure meuf, mec. J'sais même plus quoi en faire, mec. Elle kiffe mon point en fer, mec. J'en profite et j'abuse, mais je sais que je perds quelque chose. Je perds quelque chose, je subis et j'accuse. Agresse des pofs pour me prouver que je suis super fort. Mais au fond de moi-même, je sais que j'ai super tort. Est-ce le shit ou l'alcool ou mes rêves sales de pleine salle? De gens de dos, faut que je comprenne ça. L'extérieur et les gens sont une drogue. Et frais comme un oc, je suis donc un roi dans ce bordel. Mais j'ai l'art de mentir et jouer des rôles. Et j'ai peur quand je suis seul, mais au fond, c'est pas très drôle. Je sais que tu rêves d'autre chose. Pas un film, pourquoi tu joues? Reste vrai. Si ta vie ne tient qu'à un fil, pourquoi tu bouges? La vie n'est pas l'image qu'on a de toi. Si tu savais celle que j'ai, c'est comme une piole qu'a pas de toi. Y'a pas de quoi jouer les fiers avec tes sapes. Tu rappes, c'est cool. Les petites putes seront tes fans. Ces folk tokens n'ont pas de vie et jouent des rôles. Maintenant, je sais assurément qu'faut éviter le monde des champs et celui des haves. Les haineux me diront de bouger. Les petites putes me diront de bouger. Les comédiens me diront de bouger, mais mes vrais potes me demanderont où je vais, où je vais. Je sais.